Faire reculer les ombres sans profaner le mystère, seul ce propos répondrait au souhait de Thérèse et de Maurice, qu'aucun profane ne pénètre le secret de leur fraternité. Postscriptum de la lettre du 7 juin 1897 de Maurice Bédière en réponse au PS de la lettre 224 de Thérèse. Une histoire s'est dessinée à première vue déconcertante, elle n'a livré que progressivement sa signification. Avec le recul, il a semblé opportun de la proposer à la méditation de tout frère de Thérèse, celle-ci ne l'aurait-elle pas gardée intentionnellement en réserve jusqu'à ce jour, pour la lui offrir, comme une parole de réconfort si nécessaire aujourd'hui. Une parole de vérité, austère, exigeante, dès sa première lettre, Thérèse énonce la loi qui va régir toute l'existence du père Bélière, bienheureux l'homme qui a souffert la tentation, et encore, celui qui n'a pas été tenté, que sait-il? Le père Bélière aimait relire les lettres de sa sœur. À Carthage, il s'en était constitué une anthologie, à partir de ses promesses principalement, confère lettre 41, apparaître. On aime à penser que, missionnaire au Nyassa et s'enfonçant bientôt dans la maladie, il puisa dans cet ultime message le remède au désespoir que pouvait lui inspirer son incurable misère. Extrait de la notice biographique par Sœur Cécile, sur le site des archives du Carmel de Lisieux. Marc Emdan, archive.org. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. 20 lettres du Père Bélière, non numérotées, sont consultables en ligne aujourd'hui sur le site des archives du Carmel de Lisieux, également 11 de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face qui lui sont adressées, sans compter la prière numéro 8, les voici.